Let's go. Are you ready? Passez une bonne soirée, bienvenue dans ce Rail Suprême, il est là, DJ jour Kays. Important, ah ouais, ça y est, on a basculé, on y est, c'est aujourd'hui la sortie. C'est ça. Sortie officielle de... Paris en New York 2015. 2015, c'est voilà. Dans les bacs. C'est dans les bacs. Pour l'instant, digitalement et tout à l'heure à l'ouverture des magasins. C'est ça, donc si vous voulez camper devant la Fnac ou dans les magasins, c'est dispo partout, il n'y a pas d'excuses. Bon, ça va bien, Kays? Très très bien. Bien détendu, t'es content détendu. Du taf? Ouais, pour le moment, ça se passe bien, c'est bien accueilli. Ce soir, on va faire péter des sons de l'album, justement. Et tu es venu avec un invité pour cette dernière avant la sortie. Hein. Avec un ambianceur, MC et chanteur avant tout. Il s'appelle Isno, il va se présenter vite fait. Ça va bien? Ça va et toi, frère? En forme? Ouais, merci, ça va. Eh bah, ben, bienvenue, quelle voix? Merci beaucoup. Voilà, quelle voix pour ambiancer ce Rail Suprême? C'est cool. Et ben, on y va? Coup d'envoi? Allez, on y go. Allez, première session DJ Kaysno au contrôle, c'est parti. Minuit, une heure, c'est Rail Suprême, mixé par DJ Kays sur Skyrock. On traîne toute l'année ensemble, on va faire comment? Ah ouais, tu sais quoi? Viens, on va en Tunisie. Vas-y, lourd. Mais attends, là, il y a un deuxième problème. T'as de l'argent pour l'essence? Ah ouais, mais c'est la haze, gros, j'ai 10 euros. Quoi? Cet été, DJ Kays au platine sur Rail Suprême. On est plus que des amis. Déjà sur iTunes. Attention. C'est pour mettre Bailey et Michel Wines Wahran jusqu'à Casablanca. Gros son DJ Kays au platine. Yeah, Paris au rang New York. aujourd'hui. On est le 15. Allez, Black, je vais chercher la Carrefour, Auchan, Paris ou New York, c'est aujourd'hui dans les bacs. DJ Case, l'album pour la route du bled, Maroc, Algérie, Tunisie, ok. C'est pas des Marocains. Big up à H Magna, This is la peste, Paris, Oran, New York. Hashtag Rai Supreme. Hashtag Rai Supreme. Tu en vois là. Qui va vouloir danser cet été? Qui va vouloir danser cet été? On est le 15. iTunes, direction tout de suite. DJ Case, Rai Supreme, Paris Oran New York, lourdeur. Parisien, parisienne, DJ Case, Paris Oran New York. Paris. Il est chaud. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rai Supreme en direct sur Skyrock. Ok, c'est aujourd'hui. Paris, Oran, New York. Énorme son, gros son. Rai Supreme, DJ Kev, Paris au New York. Mister You. C'est 2015, ok. Commençons à la raconter, ils savent tous que je suis coté. Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai vu trois verres, je suis faillage, toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est comme boycott, je lève mon majeur, je prends un selfie, je leur dédicace. Master, c'est juste piste, piste. Le platine, c'est DJ Kaïs. Hashtag Rai Supreme. Instagram, Twitter, DJ Kaïs, Skyrock. Hashtag Rai Supreme. चिताल चाट दे दुनिया दे जंजाल कुछ नीने बन्ना बंदिया हनाल चक्की साबत सिद्ध तमाल Je suis Facebook et sur Snapchat. Je suis en amie avec Natacha. Je suis Minji. Ce qu'elle kiffe c'est les chichons. Je suis Minji. Avec Paris au New York. Je me fais masser, je fais bronzer toute l'après-midi. Je goûte toutes sortes de cocktails, fraises, vodka, litchi. Bref, pour le moment, si j'investis, c'est pour la maman. J'ai pas trop le temps, donc s'il vous plaît, parle à ma montre. Ce soir, chauffe tout le monde, même quand je le pousse un peu. On se croirait dans les Simpsons, et puis si je l'appelle à peau. Et DJ K, DJ K, Mister You, meilleur docteur de Sofia Karan. DJ K, Paris au New York, aujourd'hui dans les bacs. R.A.D. Hashtag Rai Supreme. Hey DJ K. Hey Sophia. Hey Mr. You. Hey Dr. T. Hey Justin Walker. Ok. Skyrock, Rai Supreme. C'est DJ K. DJ K. Évident qu'il faut du soir et en New York.

des fois de couleur. Un big up à l'artiste, phénoméno. DJK, on avance tous ensemble. Sinon tu recules. DJK, la suite va avancer. Le titre, le rap va avancer. L'Amérique, ça se passe tout à l'heure dans les bacs. À 8h du matin, je serai devant la fenêtre. Vous y serez aussi, c'est DJK, Spyro New York. Rendez-vous dans les bacs. Y a-t-il des polygames en ce moment? DJK, minuit, une heure, minuit, une heure. C'est Rai Suprême, mixé par DJK sur Skyrock. Oh la chica! Parce que j'ai branché l'une, je l'ai chez l'autre. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Oh, mon numéro de téléphone. Oh, je dis rien que ça somme. Cyclone en vite appelé les dames. Ok, tout le monde. Bonigam, DJK, Paris, oh, New York, Skyrock, Paris, Suprême. Allez, shake it in it. Allez, allez, allez, allez, allez, c'est aujourd'hui. Salut la famille, c'est DJ. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Jaloux. L'album de l'été, c'est aujourd'hui dans les bacs. DJ Kay, Paris, New York. Dans ta caisse, dans ta tête. Je vois tout le monde prendre des photos, mais mes premières sont des selfies. À part ma femme dans la soirée, sac au champ. J'ai DJ Case, paré en New York, juste en me fixer. Je vois des femmes se taper pour des bouteilles de jus. J'aime pas si j'aime pas ça. Y'a tout le monde qui juge. Y'a aussi une qui danse comme une abeille. Avec mes rap sur la piste, on est toujours nés. Petit pas de danse avec ma femme sur la piste, même si t'es pas invité. Y'a marah baby, y'a Farid qui fout le bordel devant mes yeux. J'suis marié, mesdames et messieurs. Je vois le daron Oussama qui gratte les cadeaux. Allez, sortez les couteaux, on va couper le gâteau. Bon bah, j'espère que l'année prochaine ça sera. Partout, allez chercher l'album Paris, Oran, New York. Ok, lourdeur, ça va danser cet été. Ritza, Axel, DJ Tony. L'album est validé, Skyrock est validé, Rai Supreme est validé, Fab est validé, DJ Case. Tu connais le phénomène, ça me fait jouer les dents. Et seulement sur Skyrock. On est toujours dans les temps, mais peu importe si tu m'aimes, mon cœur s'en vient en montant. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît, je te dérange. On s'enjaille sur tes DJ Case. À fond dans la caisse, à fond dans la tête, télécharge sur ton tel. Toi t'es plus le même, je crois t'es poudel. Oh les problèmes, appelle-moi pour un fif. On peut danser une défense, nous on peut lever la foule. Bouge ton bassin sur l'épaule, c'est comme ça chez nous. Je te donnerai bien mon fer, mais ton père me regarde chelou. C'était trop belle, je t'ai mali-malié. Direction le bled, c'est validé. La vie va bien, j'ai besoin de m'évader. Mon rito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça perd moi, allez, allez, allez. Je vais m'en aller, moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. C'était trop belle, je t'ai mali-malié. Direction le bled, c'est validé. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Faut pico à la main, calé sous les palmiers. Danse, vas-y, danse, moi je kiffe. Sors ta plus belle robe, tes talons, t'es la gif. Omri, danse, vas-y, danse, moi je kiffe. Les gars, Paris, c'est mais c'est bon, t'es ta hive. Je suis pas Ronaldo, Ridge, pas Lamborghini. J'ai envie de ma danse, t'es gentil, t'as la vie. Non, bébé, je rigole, fais pas ta timide. J'ai beau du mieux, j'adore quand tu souris. Je le redis, me fais pas croire que t'es fatigué. Qu'est-ce que tu ne t'as pas l'idée. Le clip a été tourné à Saïdia. Un gros big up à tous mes potes, Saïdia. Saïdia, DJ Case, Paris, Oran, New York. Fils t'es trop belle, je te mali-malié. Direction le bled, c'est validé. Habille va bien, j'ai besoin de m'évader. Mon rito à la main, calé sous les palmiers. C'est Rai Supreme, allez, allez, allez. Chou Tanger, la beauté marocaine, c'est s'habiller. Personne ne peut l'intimider. Elle a le caractère et les hommes l'aiment. Impossible de la draguer. Elle a la taille pour bronzer. Type méditerranée. Oh, beauté marocaine. Beauté marocaine. Tout belle au naturel. Tout belle au naturel. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. Beauté marocaine. Oh, beauté marocaine. Oh, beauté marocaine. Tout belle au naturel. On est le bien. DJ Gaze, you need Willy Willy, you need business. Richard, minuit une heure. C'est Rai Supreme, mixé par DJ Case sur Skyrock. Aujourd'hui dans les bacs, Paris, Oran, New York. DJ Case, Denise, Roldan de Orichas, Gizmo, Reggaeton. You need Willy Willy, you need business. Orichas, History, Le 15, Paris, Oran, New York. So

d'accord. Ok. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Je suis pas pressé, je suis encore spa. Je m'arrête tranquille sur une aire de repos. Petit chien, on se crève et un petit dodo. Sur un faux DJ Case, à l'aise. Je vois sous les chaînes de France au bout des balaises. Pas dans la concurrence, je sais pas c'est l'âge. Et les mecs, laissez-moi prendre de l'âge. J'ai passé la frontière, je suis en Espagne. Le plus dur à faire, traverser leurs montagnes. Que des porte-bagages à perte de vue. Tu retrouves vite le chemin si t'es perdu. Pour rester éveillé, enchaîne les Red Bull. On chante tous en cœur, frère, on est dans notre bulle. Arrivé devant le bateau, je vois que t'es marocain. Comme un ancien. T'as trop la gueule. Sur Instagram tu publies tes photos. Collectionne les comme des mythos. Ta place pour au volant d'une Merco. C'est une look que t'as prêté ton poteau. Il y en a pour tout le monde. DJ K. Je galère, les gars de mon rue ils vont brûler un mois de salaire. Ça cause de boules de le grand frère ça va bien, laisse les bras pour un bout de terre. Je file comme une étoile pour me payer ça à fond. Chercher la fuck et m'équiper de ma course. Fini l'époque des guerres face aux physio. Au platine y'a Kay. Frère en pleine enfant, la comme James Brown. J'ai les jambes en feu. Le doigt en l'air, le pack qui glisse, c'est trop mielleux. Je suis à déguster, je suis à croquer. Chaud à l'intérieur, appelle-moi moi le. Suis-nous sur la piste, c'est ça me tête. Des petits pas, un petit cercle en dessous de la boule à passer. Jamais sous tease avec mes yeux de shiny. Cherche pas la Tiffin dans le ghetto, c'est la soupe. Igo, c'est DJ Case, Igo. DJ Case, la prod est lourd, gros. XB, Barbar, DJ Case. Paris, Euro, New York, dans les bagages. C'est aujourd'hui. XB, DJ Case. Pas jamais dit dans le bédo. Accélération, crochet, petit pont à la Eto. Centre de mes ciseaux de la part de LESO. Hey, ça vient tout droit de PSO. Tu veux ma batte retourner, savoir qui te baisse. Oh, hashtag Rai. J'ai ta mère la pute en texto. Hey, si dans mes pages, je veux 18 dos. Sauter le béto. Si tu veux monter haut, si tu veux pas la pâme et le gâteau. Hey, chaque jour tu refais la jacta est mise au frais. Les stupes me suivent, cette bitch me suit tout simplement parce que je suis plein. Trop nerveux comme je vais tu. Au gros micro, c'est poulet de soi, bon appétit. XB barbare, Paris en lumière. Je t'affle le crack. Skyrock. N'a pas pu ce soir qui sortira plus de bouteilles. Je m'exprime comme on me garantit. Je me demande ce que tu fous dans ma soirée. On vous régale, on vous régale. C'est aujourd'hui dans les bacs. Allez vous le procurer. Une étrange mélodie me tire dans la tête et je ne peux m'arrêter de danser. Mon micro, j'en oublie mes blessures. Ma présence te rassure. Bien sûr, j'assure. Je suis sur la route, on peut faire azur. J'oublie pas mes racines. Algérien, j'ai le drapeau facile. Algérien, j'ai le drapeau facile. L'Algérie. Pas que bonheur ne fascine. Mon parcours les fascine. J'oublie pas mes racines. Algérien, j'ai le drapeau facile. Et j'ai jamais raté ma cible. Bitch, triangle d'assassin. Faut que je fasse pour mes locaux. Faut que je fasse pour mes locaux. Faut que je fasse pour mes locaux. Faut que je fasse pour mes locaux. Faut que je fasse pour mes locaux. Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. On accélère, c'est DJ K, Paris, Oran, New York, aujourd'hui dans les bacs. Sur Skyrock. On est d'accord. Bla bla bla. Combien de deux veulent être à ta place? Je crois que t'as tout, mais en fait t'as rien. Laissez les fabuler comme des patatas. J'attire les jaloux si t'as des atouts. Non. Les cramés partout, y'a des tas de rapaces. Avec les moyens, on a hashtag un atout. Hashtag Rice Suprême, DJ K. L'air c'est l'équipe, on t'assure. On perd ta place au soleil. T'as du kiff, les oreilles qui sifflent. Même plongé dans ton sommet. Laisse parler. Que des blablablas, vraiment, dur de s'en débarrasser. Que des blablablas, vivant, que des fracassés. Que des blablablas, vraiment, dur de s'en débarrasser. Que des blablablas, DJ Case, hashtag Rice Suprême, aujourd'hui dans les bacs. La vie c'est adieu, est-ce que tu me reçois là? J'ai autre chose à faire qu'écouter tes salades. Mon but c'est les deux tubes, mais qu'est-ce que tu crois là? Je vais faire des butures, on veut tuer, on voit là. Désolé ma belle, le devoir m'appelle. J'écris mon film, je monte à la belle. Faut que tu te réveilles, c'est le jour de la paye. Fais-toi encore plus de haine que la veille. Verser les gris qu'on t'assure pour faire ta place au soleil. T'as du bif, les oreilles qui sifflent. Même plongé dans ton sommet. Hashtag Rive Suprême. Hashtag Rive Suprême. C'est DJ Case dans les bacs. Que des blablabla. Vraiment. Dire de s'en débarrasser. Que des blablabla. Énervez-vous la famille. Biro DJ Case. Paris au roi New York. On est le 15. On est le 15. On est le 15. Que des blablabla. Vivant. Que des blablabla. Ok. Le Rail Suprême, comme chaque dimanche soir avec DJ Case, jour de sortie, ça y est, Paris Oran New York, oui. Dans les bacs. Là, c'est un gros Rail Suprême mixé, ambiancé. Tout le monde est là, ouais. Isno est là, Case est là. Fabien est là. Fabounette vient d'arriver. Fabounet, ouais. Fabounet, ouais. J'ai pas ma langue à fourcher, quoi. J'ai rajouté un E comme ça qui est sorti, on sait pas pourquoi. Juste un record des Fabounet. Une sacrée équipe. Ouais, ils s'entendent très bien, ouais. Bon, Isno, déjà ambiancé la première demi-heure de l'émission, ça va continuer. Yeah. Case, moins de, je suppose, moins de soirée, là. Parce que... bah, pas du tout, en fait. Pendant Ramadan, ouais. C'est le seul moment où je peux me reposer. Donc, c'est, voilà. Ça va être un mois de jeûne, mais voilà, de réflexion. Jeûne, bien sûr. Et aussi, je vais un peu kiffer mon CD aussi, un petit peu. Et aussi, kiffer ton CD. Voilà, ouais, très bien. Et le soir, la journée, c'est spiritualité. Bah pour les nuits du Ramadan, c'est le morceau, c'est l'album. C'est ça, exactement. Et pour la route du bled, juste après. Et juste après, direction. Direction, ouais. Bon, on continue, on est reparti. Allez, on y go. Nouvelle session. Ah ouais, mais attends, y'a un problème là. On traîne toute l'année ensemble, on va faire comment? Ah ouais, tu sais quoi? Viens, on va en Paris, au Rond New York. Vas-y, Paris, vas-y. Mais attends, là y'a un deuxième DJ problème. K, t'as de l'argent pour l'essence? En direct. Ah ouais, mais c'est la race, gros, j'ai 10 euros. Quoi? Va attendre. Paris, Warren, NYC. C'est nouveau. Et seulement sur Skyrock. Il faut avancer. Hey, hey, hey, hey, yo. Ouais, tu les usas. chez Wines Wahran jusqu'à Casablanca. Algérien, j'ai le drapeau facile. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Faut pico à la main, car les sous les palmiers. Elle s'appelle Inde. Elle aime pas la funk, pourtant she got a thing. Minuit 1h, minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Hashtag, hashtag, Rail Suprême, la famille. DJ K derrière les platines. J'suis trop frais, j'ai pas le temps. Tu veux du soleil, tu veux de la chaleur, tu veux des bons moments. Paris, Oran, New York, aujourd'hui, le 15. DJ K, un big up à l'artiste, Diesel, Volteface, DJ K. Jamais sans les photos, on est plus que des amis. Celle est l'artiste. Ce soir c'est mort, on fait la fête. Poto, vas-y doucement sur la tise. Ok. Ce soir je claque mon oseille. Soir ce, on fait croquer les frères. Tout le monde sent bien, tout le monde sent. J'ai essayé DJ K. C'est parce qu'on a son sale préfère. J'vois des fans qui passent des photos. Vas-y, faut que t'attendes là, c'est un peu trop tôt. Laisse-moi profiter de la soirée. J'fais partie de gauche, me casse en moto. On va tous te choquer. J'sais même pas si mes potes sont bloqués. Tous les numéros sont notés. Dans ces tours de la night. Jamais sans la famille. Jamais sans les photos, on est plus que des amis. Toute la night, jamais sans la famille. Jamais sans les photos, on est plus que des amis. Jamais sans mes photos, mes photos c'est la famille. Tu connais qu'y a pas de galère, et si c'est le cas, on arrive illico, presto. Un petit tour au resto, on oublie le ghetto. C'est chaud ce soir, c'est le feu. On a gagné le meilleur pari au poker. Ce soir, un big up à Jésus, juste un avec le pari. Sur Skyrock. Jamais sans la famille. Jamais sans les photos. On est plus que des amis. Toute la night. Jamais sans la famille. Cet été on vous ambiance avec DJ Kills par en New York. Famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Aujourd'hui c'est une boule d'ambiance. Car mon écoute, on est entre nous. De Ricky à Abidjan, on compte sur vous. Xantès, c'est lui et moi. Et ce son, c'est fait pour vous. Aujourd'hui, Paris, Oran, New York. mis les chaussures croco mais sans chaussettes hein. Paris au rang New York, DJ Kay. Bonsoir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Maroc, Algérie, Tunisie. Les épaules, les épaules. Arrêche, arrêche. Aigle, jeune marié de cet été. Dans la techno du pic à fond, on parle pas de ça. Y'a le sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Dans un yacht, au quartier, ou dans un bolide, séparé, solé. On vous a pas menti, le meilleur DJ de France est ici, la famille. Attention. Exclu. Et tout l'hiver, tu t'es dosé aux UV. C'est plus la peine, laisse le soleil te dorer. Bikini, short, hawaïen, fumé à chicha. Ambiance posée au calme avec tous mes snaps. Snapchat, Facebook, ça m'a saoulé. Raconter toute ma vie, faut pas décoller. Ok. Oh. La musique à fond, je me mets à l'aise. Oui. Turn it up, put your hands up, je vis la night. Turn it up, put your hands up. Yeah. La musique à fond, je me mets à l'aise. Turn it up, put your hands up. Ok, la famille, tout le monde, c'est DJ K, Diesel. Alors je danse sur du canier, lé, lé, lé. Les soucis, les problèmes, je ne veux pas les calculer. Ne t'inquiète pas pour moi, bébé, ça va aller, lé, lé. La fiesta n'est pas finie, laisse-toi aller. Marrakech. Alors je danse sur du canier, lé, lé. Les soucis, les problèmes, je ne veux pas les calculer. Ne t'inquiète pas pour moi, bébé, ça va aller, lé, lé. La fiesta n'est pas finie, laisse-toi aller, lé, lé. Yélé, yélé, yélé. Énorme, énorme, énorme, énorme, énorme titre avec DJ K. Paris ou en New York, la seule compil que tu veux. Minuit, une heure, minuit, une heure. C'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Je m'arrête à Bonny Wu. Aïe, DJ K, Chikiniji. Ok. C'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en coloc avec moi-même, là dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis faillage, quitte la terre. Je rejoins l'espace, c'est comme boycott, je lève mon majeur, je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, c'est je suis sur la piste, le platine, c'est DJ Kaïs. Aujourd'hui, tu l'entends partout, partout, partout. La première fois, c'est je suis sur Facebook et sur Snapchat. Je suis en avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichons. Avec Aïcha Pandisha. Aujourd'hui, Isno, Paris, Oran, New York, en pleurseur du Kev sur iTunes. Allez-y, la famille, allez chercher ça, la famille. Yo que ni de kafai vich roi, yo que ni de kafai vich roi. Oh tero ro khamli hoi, oh tero ro khamli hoi. C'est par DJ K sur Skyrock. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Aujourd'hui, car on est le 15 et on ne ment à personne, le soleil sera chez vous. Un big up à tous nos frérots algériens. Maghreb United, Paris ou New York, aujourd'hui dans les bacs, on est ensemble. Va bene, va bene, va bene. Tu es ensemble, DJ Kays te mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. J'arrive en club, bitch, happy birthday. 1, 2, 3, 4, day de rosé. Les lèvres de Maloca ont un goût de pas mes racines. Algérien, j'ai le drapeau facile. J'attends pas que le bonheur me fascine. Mon parcours les fascine. J'oublie pas mes racines. Non. Algérien, j'ai le drapeau facile. DJ Kay, j'ai jamais raté ma cible. Bitch, j'ai envie d'un chassis. DJ Kay, que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. Que je le fasse pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux. DJ Kay, faut que je le fasse pour mes locaux, pour mes locaux, pour mes locaux. Faut que je le fasse pour mes locaux, pour mes locaux. C'est aujourd'hui dans les bacs, toujours. Baby, crame dans le coupé. Si je te demande ça, c'est que je fais tout bien. Je suis toujours occupé. C'est mon côté palestinien. 100 000 watts dans les oreilles. Je fais des perles dans ma McLaren. Je suis entre 4 pétailles foreign. Supporte encore du Ralph Lauren. DJ Kay, j'ai le drapeau facile. Pas de vaseline. Oh. Je les vois défoncer ma porte au bélier de tous les gars de la voiture. C'est nouveau, c'est nouveau. Et seulement sur Skyrock. Nouveauté sur Skyrock. Je sais que DJ Kay, je te retiens. Tout le monde est frère. Tout le monde est frère. Tu ne peux pas mentir. Lève-toi, monte le son. Fire. Nous sommes fire. C'est DJ Kay. Y'a-t-il des belles là sur Skyrock? DJ Kay, Layton, Alrima, Clinton Hamilton. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Cet été, je suis pas à la décide. Je cherche une femme imbécile. Algérienne, marocaine, je veux un missile. Ou une Tunisia, j'aime aussi. J'en ai marre du célibat. Donc je vais dans le sud, j'ai qui dérive pas. Et je veux une bombe qui danse comme Chaouya. Et je veux une bombe qui danse comme Chaouya. Elle me rend fou. Paris en New York, c'est aujourd'hui dans les bacs, la famille. Elle me rend fou. DJ Kay. Hashtag Rail Suprême. Allez vous le procurer. Phénomène. DJ Case. Big Strong, c'est DJ Case. J'ai qu'une chicha, mais vas-y on négocie. DJ Case, don't stop, t'as reconnu l'équipe. Mon téléphone sonne, on y va, j'ai fait les hits. Nous on fait plein de photos, on fait tweet. Tous les sons de Rai Suprême, en direct sur Skyrock. C'est aujourd'hui dans les packs, DJ Case. Aujourd'hui dans les packs. Sur Snapchat, t'envoies des trucs chelous. Si tu fais la folle, faudra assumer. Non, on parle pas, on agit chez nous. Mais s'il te plaît, arrête de marceler. Paris Orange jusqu'à Barcelone. Une chose est sûre, moi je me casse au blé. Salam la mif, on est jamais seul, je peux pas oublier. Grosse con, grosse caisse, on arrive. Que t'as à la mélo. Tu me rappelles sur un gros numéro. Avant tu me calculais pas là, tu veux me passer l'anneau. Mais j'étais mieux stop, t'es tombé dans le panneau. Je vais m'en aller. Je vais me calmer. N'hésitez pas à tweeter hashtag Rai Suprême. Faisais des snaps. A débloqué sur le périph. Nous on se met bien loin de Paris. Tu me regardes, qu'est-ce qui t'arrive. Est branché ce soir. Sans ton équipe, tu balises. Maroc, Tunis, Algérie. 2015, c'est la folie. Juston record, trop vrai, trop hardcore. La carnaval, minuit, une heure, trop dans le charge, j'arrive dans le suprême. C'est pas DJ Case sur Skyrock. Ré-té-té-té-té-té, chicha, gros boule, grégouze à ma table. Avec DJ Case, en showcase sur n'importe quel beat, j'suis imbattable. PPD, la voix du DZ, pilon peu herbert de vodka. C'est pour mes Bailey et mes chers Winness, Wahran jusqu'à Casablanca. DJ Case, c'est aujourd'hui dans les bacs. Allez vous le procurer, allez l'acheter. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Je change de flow comme de chauffeur, préviens la chute, pile du Rafale. Exit. tant, je suis tant, tant hésitant. C'est le jour J. Si tu me trompes, tu vas casquer comme le président. J'ai la joie de vivre camoussé dans ma résidence. Même avec une tronche éclatée, je suis un dream vivant. Rail Suprême Case, ouais. Un gros Rail Suprême ambiancé pour fêter la sortie de Paris au Rendu. C'est ça, c'est dans les bacs de ce matin, donc, et sur iTunes dès maintenant. Donc pour ceux qui avaient précommandé, donc les musiques sont dispo maintenant, donc c'est cool. On a une bonne précommande, donc là maintenant vous avez plus qu'à kiffer, partager. Et donc il y avait du suspense ces mois précédents, là maintenant tout est là. Paris, Oran, yes. New York. Merci Zno aussi d'être passé. De rien la famille. En tout cas c'était très très lourd. Et ben voilà, pendant une bonne heure tu nous as ambiancé ce Rail Suprême pour la sortie de Paris, Oran, New York. Ouais. La semaine prochaine c'est le 21 juin. C'est ça. Fête de la musique et gros Rail Suprême à pas louper. Ouais, bah Fabien qui m'annonce à mon oreillette. Dans ton oreillette, il n'y aura pas une mais deux heures. C'est ça, deux heures. Donc on va faire la fête de la musique. Ouais, pour tous ceux qui vont sortir le 21 juin, si vous êtes entre 2-3 ambiances et tout, il y aura le son de Rail Suprême pendant 2 heures. C'est ça. Ou alors même faire la fête à la maison. Hein. Oui. Ça peut être aussi un bon plan. Et on va même souhaiter bon courage et bonne chance à tous les futurs bacheliers. Ouais, ceux qui passent les examens là, dès cette semaine, courage à vous tous et puis les autres aussi qui passent tous les autres examens en ce moment. Ils n'ont plus qu'à écouter le CD, ça devrait aller. Ça va détendre tout le monde. C'est ça. Détendre. Ciao, merci. Allez, merci. Urban Music, non-stop.